Les nuits de France Culture, la nuit des actrices du cinéma français 1929-1944, nuit commencée en compagnie d'Armelle Delorme, auteur d'un dictionnaire qui a pour titre « Actrice du cinéma français », l'aide mémoire édition. Histoire du cinéma français 1929-1944, bien entendu. Le premier tome, c'est d'Arletty à Kiki de Montparnasse. Alors, au programme des archives de cette nuit, il y a eu le mariage de Joséphine Baker, une partie de campagne de Jean Renoir avec Sylvia Bataille dans l'émission L'écran sans images, Je suis comme je suis, mémoires imaginaires d'Arletty, confidence de vedette Simone Renon et à l'instant, mémoire du siècle, Paulette Dubost. À venir, Edwige Feuillère, Pauline Carton, Maria Cazares, Blanchette Brunois. Bonsoir Didier Griselin. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, au même micro, dans ce même studio, plus tôt dans la nuit, Bruno Villien nous parlait, entre autres, d'Arletty et de Jacqueline Delubac. Vous êtes donc le troisième homme, le troisième invité de la nuit. Est-ce que vous êtes un fou de cinéma comme Armelle Delorme et Bruno Villien ou est-ce que vous êtes un monomaniaque passionné? J'ai commencé en étant monomaniaque autour de Françoise Rosé et après je me suis concentré sur le cinéma français pour cette période que vous avez citée, la période qui va du début du parlant jusqu'au début des années 60. Enfin, ça tombe bien en tout cas puisque vous êtes venu, Didier Griselin, nous parler d'un livre que vous avez publié il y a plusieurs années qui s'appelle Françoise Rosé. Tiens, comme c'est simple, c'est elle, c'est bien d'elle dont on veut tout parler. À fait. Mais alors, c'était quoi, il y a une dizaine d'années Ça a commencé en 1988. Qu'est-ce qui a commencé, votre passion? En tout cas, ma découverte de Françoise Rosé a commencé en 1988. J'étais étudiant et je n'avais pas cours ce jour-là. J'allumais la télévision. À l'époque, c'était la sixième chaîne qui depuis s'appelle M6. Et il rediffusait un vieux feuilleton des années 60, de 1966, qui s'appelle « L'âge heureux », mis en scène par Philippe Agostini, d'après un roman de Odette Joyeux. Et parmi donc les personnages de ce feuilleton figurait la mère de Louisville, qui était interprétée par Françoise Rosé. Et j'étais tout de suite attiré et séduit par la voix de Françoise Rosé, qui est très particulière et très reconnaissable. Oui, vous dites en introduction à votre ouvrage, Didier Griselin, vous parlez donc de cette voix de Françoise Rosé, une voix qui, dès qu'elle résonne, dessine à l'esprit le visage de celle à qui il appartient. Et vous dites que vous regrettez que ce livre, votre livre, ne soit pas parlant. Mais alors nous, comme on est très gentils dans les Nuits de France Culture, on va vous faire entendre Françoise Rosé, on va faire entendre surtout aux auditrices et auditeurs qui vont évidemment tout de suite l'identifier. D'ailleurs, ils savent très bien qui est Françoise Rosé. Je vais vous dire, dans ce temps-là, il n'y avait pas de cinéma, n'est-ce pas? Et les acteurs, les jeunes acteurs, étaient obligés de travailler. Et pour travailler, ils jouaient dans ces petits théâtres où on reprenait les spectacles du boulevard. Et nous jouions les pièces de Sacha Guitry. Moi, j'ai débuté dans une pièce de Sacha Guitry. Un rôle de Pauline Carton, en somme. Oui, et puis après, je jouais la grand-mère. Enfin, nous jouions et nous changions tous les 8 jours. Mais l'opéra, cher Eh bien, alors voilà, je me suis présentée au conservatoire en comédie. J'étais dans la classe de Paul Mounet et je suis restée 3 ans. J'ai eu mon premier accès la deuxième année. J'ai raté mon premier prix. Et j'étais en même temps à l'Odéon avec Antoine. J'ai travaillé 2 ans avec Antoine. Et puis, j'étais au Théâtre Michel. Je dis à Saint-Pétersbourg, parce que dans ce temps-là, c'était comme ça. Et puis la guerre a éclaté, et j'avais toujours voulu faire du chant, ma mère ne voulait pas. Et alors je me suis représentée au conservatoire, j'ai fait 6 ans de conservatoire. 6 ans de conservatoire. 6 ans. Et je me suis rentrée au conservatoire, et là j'ai eu mon premier prix d'opéra. Première nommée, et j'ai dit première nommée, j'étais fort fière. Et alors je suis entrée à l'opéra, et puis je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mais qu'avez-vous chanté à l'opéra? J'ai chanté Salammbô, Castor et Pollux. De très grands rôles, en somme. Vous aviez quelle voix? J'avais une voix de soprano lyrique. Françoise Rosé au micro de Georges Charansol et Simone Dubreuil dans Actualité du cinéma, c'était le 4 décembre 1950. Théâtre, opéra, soprano lyrique, vous Didier Griselin, c'est quand même la Françoise Rosé comédienne, actrice et actrice pour le cinéma qui vous intéresse? Tout au départ, ma première approche a été donc Françoise Rosé via les films que j'ai pu voir dans lesquels elle jouait. Et j'ai eu la chance au début des années 90 de rencontrer ses 3 fils. Et après, je me suis rendu compte qu'en dehors de l'actrice de talent que l'on connaît, c'était aussi une femme hors norme, une femme dans la vie qui était hors norme. Je prends un exemple, quelqu'un comme Jacqueline Maillan qui est très exubérante sur scène était quelqu'un de très éteint dans la vie. Tandis que Françoise Rosé était aussi éclatante et brillante dans la vie que à l'écran ou que sur une scène de théâtre. Et donc le personnage était très intéressant, c'est un personnage fort, une femme qui était intelligente, une femme qui avait du caractère, une femme qui a commencé dans la vie, ça n'était pas simple pour elle, nous sommes à la fin du 19e siècle, elle est fille d'actrice, donc déjà c'est assez mal vu dans la société, elle est issue d'une liaison illégitime entre un homme marié et une actrice, et en plus sa mère ne l'aimait pas. Donc elle a été durant toute son enfance rejetée par tout le monde, par la société, par sa mère qui ne l'aimait pas, et donc elle s'est construite via ses différents paramètres, et elle s'est forgée un caractère, une force de caractère qui a été la caractéristique de toute sa vie, à la fois donc professionnelle et dans sa vie personnelle. Mais ça se retrouve, ça, dans ses rôles? Ah, tout à fait. Vous pensez vraiment que les metteurs en scène de théâtre? Tout à fait. Mais il y avait déjà, donc, que cette énergie, qu'on lui reconnaît volontiers dans tous les films qu'elle interprète. J'avais au départ le livre que j'écris sur Françoise Rosée, je voulais l'intituler Autorité et maternité au cinéma. Autorité parce qu'elle avait cette autorité, ce côté un peu gendarme, et encore elle le forçait à l'écran puisqu'on la cantonnait un peu dans ce genre de rôle. Donc c'est quelqu'un qui était très énergique, qui avait de la volonté, qui était une sorte de locomotive et qui tirait derrière elle tous ceux qui traînaient un petit peu la patte. Là je parle dans sa vie privée puisque son mari était Jacques Feder, le metteur en scène, il était intéressé que par le cinéma, et donc il fallait un petit peu toujours le tirer pour le faire avancer sur certains domaines plus privés. Pareil pour ses enfants qui vivaient dans un milieu assez aisé et qui avait un peu tendance à se laisser aller, comme m'avait avoué lui-même son dernier fils quand, la dernière fois que je l'avais vu. Et donc elle, c'était la locomotive qui tirait tous ces wagons, j'allais dire donc familiaux et personnels. Et puis donc j'avais pensé à maternité, parce que ce qui est surprenant, c'est que Françoise Rosée a manqué durant toute son enfance de cet amour maternel, puisque sa mère ne l'aimait pas et elle était plus intéressée par ses relations extra-professionnelles ou professionnelles, et surtout par sa carrière d'actrice. Et Françoise Rosée a véritablement éclaté au cinéma au début des années 30. Elle avait alors une quarantaine d'années. Il était alors hors de question pour elle de jouer les jeunes premières. Et donc, elle a incarné durant toute sa carrière au cinéma et au théâtre toutes les formes possibles de maternité, d'expression de la maternité, que ça soit donc la mère revêche, la mère qui veut imposer à son fils donc ses opinions, que ça soit donc la mère adoptive, que ça soit la mère qui tombe amoureuse de son beau-fils. Et ce qui est vraiment spécifique de Françoise Rosée, à la fois cette force de caractère qu'on retrouve donc au cinéma et au théâtre et dans la vie, et à la fois tous ces aspects de la maternité qu'elle a pu interpréter. Alors, il faut que vous nous donniez quelques titres de films, Didi Griselin, parce que vous avez donné des personnages, des rôles, en fait. Mais alors, quels sont les grands films dans lesquels Françoise Rosée, grand film dès le début ou après, ou non, grâce à Jacques Feder? En fait, donc Jacques Feder et Françoise Rosée se sont mariés en 1917. Ils avaient l'un pour l'autre une très grande admiration pour le talent de l'un et de l'autre. Et donc Jacques Feder, qui connaissait bien donc son épouse, lui a écrit des rôles sur mesure qui lui permettaient pleinement d'exprimer son talent. Donc les grands films de Jacques Feder sont des films des années 30, avec Françoise Rosée en vedette. On pense à La Kermesse héroïque, au Grand Jeu, à Pension Mimosa, aux Gens du Voyage. Et ensuite, Jacques Feder est mort en 1948, donc relativement tôt. Françoise Rosée a continué donc sa carrière, puisqu'elle est morte en 1974 et elle a tourné son dernier film en 1973. Mais dans sa seconde partie de carrière, sans la présence de son mari, on l'a vu beaucoup, à la fois dans des films français, mais aussi des films à l'étranger. Et là, je peux citer donc elle a joué aux côtés de gens comme Yul Brynner, comme Joseph Cotten, comme Joan Fontaine. Elle a aussi donc en France joué aux côtés de Fernandel dans L'Auberge Rouge, qui est un des films qu'on revoit relativement souvent. Je pense aussi à Françoise Rosée aux côtés de Jean Gabin dans Le Cave se rebiffe de Gilles Grangier, avec cette scène qui est une des scènes préférées de Michel Audiard, qui a écrit donc le scénario et le dialogue du film. C'est aussi elle qui a été la première, qui a joué le premier rôle dans le premier film mis en scène par Michel Audiard, qui s'appelait Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Donc voilà, c'est à peu près 110 films sur une carrière qui a duré plus de 60 ans. Alors bien sûr, il y a des films moins connus que d'autres. Après, il y a aussi le fait que certains films sont moins accessibles, même si certains sont réédités au fur et à mesure en DVD ou en Blu-ray. Il est vrai que on voit toujours à peu près les mêmes films avec Françoise Rosée qui sont diffusés à la télévision, ce qui peut expliquer un petit peu ce manque de connaissance de sa carrière. Oui, parce que donc il faut dire quand même, Didi Griselin, que c'est un très beau livre, Françoise Rosée. Alors sous-titré une grande dame du cinéma français, c'est vrai, c'est peut-être pas le sous-titre le plus plus original, mais Autorité et maternité, ça aurait été un petit peu étrange aussi quand même pour un livre sur le cinéma. Tout à fait. En fait, c'était une référence à une petite, parce que Françoise Rosée avait beaucoup d'humour et d'humour sur elle-même, et c'est vrai que c'était une femme qui était très grande par la taille. Elle mesurait 1m72, ce qui était beaucoup pour une femme donc à cette époque-là. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, la moyenne de taille des hommes était de 1m65. Donc Françoise Rosée déjà dépassait tout le monde. Et donc quand on lui disait Françoise Rosée, vous êtes une grande dame du cinéma français, elle répondait avec malice, oui, mais par la taille. Alors, il y a toute la filmographie, vous avez fait allusion très brièvement à sa biographie, mais rien que cette biographie, déjà, ce père absent, qui va la reconnaître quand elle sera très... Enfin, déjà âgée, quoi, elle sera elle-même mère. Elle va être donc officiellement reconnue par son père, qui était le comte Gilbert Bandy de Nalèche. Un belge? Non, il était issu de la Creuse. C'est une famille donc aristocratique de la Creuse. Elle va être connue en 1936, à l'âge de 45 ans. Oui. Et encore, c'est parce qu'elle a sollicité cette reconnaissance, puisque à cette époque-là, elle tourne en Allemagne, comme la plupart des acteurs français vont tourner en Allemagne. Elle est obligée, nous sommes en 1936, de montrer donc des papiers qui sont en règle selon donc les critères du régime nazi. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a demandé à son père de la reconnaître officiellement. Ils se côtoyaient un petit peu avant, mais de manière très épisodique. Et après, donc, de 1936 jusqu'à la mort de son père, qui est survenu donc après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont côtoyés beaucoup plus souvent. Alors, je disais, donc, il y a la filmographie, aussi tous les spectacles d'opérette, de théâtre. Tout à fait, parce que Françoise Rosé, on la connaît essentiellement par le cinéma, ce qui est normal, parce que les films, on peut les revoir encore. Mais elle a d'abord commencé, comme elle l'a dit tout à l'heure, donc, dans l'interview, par le théâtre. Donc, elle a fait beaucoup de théâtre, et ensuite, elle a fait aussi de l'opéra, du chant. Elle a travaillé, donc, pendant 4 ans à l'Opéra de Paris, mais elle a fait aussi, donc, des opérettes sur scène. Et puis aussi, elle a beaucoup, comme beaucoup d'acteurs, durant cette période, durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup travaillé à la radio. Qu'elle a continué après. Puis après, lorsque à la fin des années 50, la télévision a pris de plus en plus d'importance dans le quotidien donc des Français, elle a beaucoup travaillé aussi pour l'ORTF. Alors, vous avez cité, dit Grisin, quelques films étrangers, enfin quelques films américains. Il y a un film qui est canadien, je crois, peut-être avec des capitaux américains, je ne sais, qui est un remake du film de Clouseau que j'aimerais beaucoup voir, que vous avez peut-être. Alors, le film n'a jamais été vraiment édité officiellement en DVD ou en Blu-ray, mais c'est vrai qu'on peut le trouver sur Internet en faisant quelques recherches. Après, j'ai peur que vous soyez un petit peu déçus, puisque Vous dites que ce n'est pas un bon film, alors il faut donner le titre. Alors, le titre en anglais, puisque le film, ça s'appelle The 13th Letter, la 13e lettre, qui est vraiment donc... Otto Preminger a pris le scénario de Louis Chavant, c'est vraiment à copier point par point le scénario. Du Corbeau. Et alors là, Françoise Rosé, dans cette version anglo-saxonne, reprend le rôle qui était créé par Sylvie dans le film d'Henri-Georges Clouzot. Donc c'est elle, la mère vengeresse, qui va tuer le corbeau à la fin du film. Et dans le film, il y avait aussi Charles Boyer, qui reprenait le rôle de Pierre Larquet. Il faut bien reconnaître que dans ce film, Preminger est passé à côté de ce qui faisait la force du film de Clouzot. C'est-à-dire que tout le côté malsain, cette ambiance où les gens se dénoncent les uns les autres avec des lettres anonymes, cette foule anonyme qui veut lyncher une prétendue coupable, qui est jouée par Hélène Manson dans le film de Clouzot, tout ça a un peu disparu pour une histoire d'amourette entre donc Michael Rennie, qui joue le rôle de Pierre Freinet, et puis donc celle qui reprend le rôle de Ginette Leclerc, cette infirme qui tombe amoureuse du docteur. Donc on peut vivre Didier Grislin en aimant Françoise Rosay, en aimant le corbeau de Clouzot, sans un jour se battre pour voir la 13e lettre d'Otto Preminger. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Françoise Rosay avait un petit problème physique, c'est qu'elle avait une paupière qui était beaucoup plus lourde que l'autre et qui tombait plus facilement sur l'œil. Une ptose. Voilà. Et à la fin des années 40, ça devient vraiment très, très gênant. Et dans ce film, c'est quelques mois avant qu'elle se fasse opérer, elle a vraiment une paupière très tombante. Et ça donne un petit côté un peu effrayant quand elle se présente avec son rasoir et qu'elle passe la tête par la fenêtre. On voit cette paupière tombante et c'est vrai que c'est un peu effrayant. Mais sinon, c'est vrai que ce film, c'est une curiosité, c'est un film à voir. On peut aussi très bien vivre sans le voir et rester sur le film d'Henri-Georges Clouzot qui est extraordinaire. Comment avez-vous procédé, vous, Didier Grislin? Parce que c'est ce qui me fascine depuis le début de cette nuit avec Armel Delorme, avec Bruno Villia. Comment ces cinéphiles, maniaques, c'est pas péjoratif, non? Oui, non, tout à fait. Mais comment faire et puis pourquoi? Bah, Françoise Rosé, je vous l'ai dit, donc, il y a déjà eu tout au départ cette attirance par cette voix qui m'a intrigué. Oui, mais le même jour ou la veille, vous aviez peut-être vu un autre film avec une autre comédienne et ça vous a alors, moins c'est marqué. Vrai que je suis plus sensible aux comédiennes qui sont, entre guillemets, un petit peu tombées dans l'oubli, ou en tout cas, qui ont été un petit peu dénigrées facilement. Je me souviens que lorsque j'ai découvert Françoise Rosé, je suis allé consulter un dictionnaire qui existe toujours, qui est le dictionnaire des comédiens qui est édité par Jean Tullard, enfin, qui est publié par Jean Tullard. Et elle avait, en une phrase, résumé une carrière de 110 films en disant que heureusement qu'elle connaissait Jacques Feder, qui était son mari, sinon elle avait une carrière qui était très médiocre. Donc ça m'a un petit peu agacé. Je suis un petit peu toujours prêt à me battre contre donc des moulins à vent. Et donc après, j'ai eu la chance de rencontrer ses fils. Et puis en cherchant au fur et à mesure, c'est là que vous apercevez que c'était une femme hors norme. Et notamment, je ne sais pas si on va en parler, mais durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une des rares actrices à avoir, avec quelqu'un comme Joséphine Baker, avoir un comportement très net et très exemplaire. Aucune ambiguïté dans son comportement. Mmh. Et ça, c'est vrai que... C'était rare. C'était rare. Et notamment, par la force des choses, elle s'est retrouvée bloquée en Tunisie, donc à l'automne 1942. Elle s'est échappée par le désert et elle est arrivée à Alger au début de 1943. Et en février 43, le premier jour de l'émission de Radio Alger, qui va devenir future Radio France, Françoise Rosé est au micro pour parler aux femmes françaises et pour leur expliquer quelle est la situation, où en est donc l'avancée des Alliés pour la libération de la France. Alors, si vous aviez été, Didier Griselin, un fan des années, alors si vous étiez né beaucoup plus tôt, à la fin du 19e siècle, vous seriez allé voir toutes les opérettes, toutes les apparitions de Françoise Rosay, vous auriez aimé qu'elle quitte le cinéma muet pour parler, et là vous seriez tombé presque amoureux de cette voix. Donc cette voix, c'est la voix de fin de carrière qui m'a séduit, parce que tout au départ, elle n'avait pas cette voix-là, comme elle a dit dans l'entretien tout à l'heure. Ce qui fait qu'elle a eu cette voix-là, c'est que déjà elle a pris de l'âge, et souvent les femmes perdent qu'elle un petit peu en aigu avec l'âge, mais surtout elle s'est mise à fumer en 43. Elle était toute seule, elle était... Oui, mais dans les années 30, on a la trace de sa voix déjà. Tout à fait, mais c'est une voix beaucoup plus haut perché. Mais c'est le personnage qui m'intéresse. Je pense vraiment que le personnage m'a séduit. En dehors de la voix qui a été la première approche, le personnage m'a vraiment séduit. Alors, vous êtes plus séduit par la femme, finalement, que par la comédienne ? La comédienne, comme sur les 110 films qu'elle a pu faire, je crois que j'en ai vu 102, 103, j'ai quand même fait un peu le tour. Et c'est vrai que je connais, entre guillemets, ces petits trucs de comédienne. Alors c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la femme, et j'ai eu la chance, lorsque les frères sont décédés, la famille m'a confié les lettres. Vous savez, donc à l'époque, on écrivait beaucoup, et surtout on conservait les lettres, et on conservait de génération en génération. Et donc je me suis retrouvé face à des cartons qui contenaient près de 3000 lettres, et c'est vrai que dans les lettres, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont tels qu'ils sont dans la vie, mais il n'y a pas de filtre. Quand il s'envoie une lettre, il parle comme il parlerait dans la vie. Donc, ça m'a permis de mieux découvrir donc le personnage. Et un personnage qui a ses excès, c'est quelqu'un qui était soupolé, Françoise Rosay, donc elle pouvait être un type. Mais quelqu'un d'extrêmement bon, d'extrêmement généreux, d'extrêmement gentil et très attentif aux autres. Ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que on ne s'est pas du tout, durant son enfance, occupé d'elle. Et elle avait donc le comportement inverse durant toute sa vie. Elle s'intéressait constamment aux autres, elle aidait les autres, elle prenait les autres. Je prends des exemples tout simples. Au cinéma, c'est elle qui a poussé son mari à prendre Charles Spack. À ses côtés, Charles Spack est devenu un grand scénariste du cinéma français des années 30. C'est elle qui a insisté auprès de son mari pour qu'il prenne Marcel Carné comme assistant sur ses films. Et après, donc, au bout de quelques films pour lesquels il était assistant, Marcel Carné a volé de ses propres ailes. Mais c'est aussi elle qui a pris sous son aile Simone, donc, s'ignorer, puisqu'elles se sont rencontrées sur le film Macadam en 1946. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui aidait les gens. Et c'est pour ça que lorsqu'elle a ouvert son cours de théâtre à la fin des années 50, qu'elle a tenu pendant une dizaine d'années, ça correspondait vraiment à une logique dans sa démarche d'aider les jeunes, d'aider les gens et d'apporter son peu d'expérience, en tout cas ses connaissances pour aider les gens. Alors, ce qu'il faut dire aussi de ce livre, c'est que c'est ce qu'on appelle un beau livre, c'est-à-dire qu'il y a une iconographie riche. Vous avez eu accès aussi à des dizaines de photos? J'ai aussi un autre travers, c'est que je suis collectionneur. Donc lorsque j'ai commencé à m'intéresser à Françoise Rosay, j'ai commencé bien sûr à acheter, à chiner donc les photos de Françoise Rosay. C'est vrai que la famille, j'avais fait en 1995 à la mairie du 7e arrondissement une exposition qui était entièrement consacrée à Françoise Rosay. Et à la suite de cette exposition, les fils qui étaient donc à l'époque présents m'avaient donné quelques documents que depuis, ça va faire 30 ans maintenant, que j'ai enrichi avec beaucoup d'achats. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment constitué ce qu'elle dirait un fonds d'archives Françoise Rosay, et ce qui permet donc dans ce livre de publier beaucoup de photos. Je crois qu'il y a à peu près 350 pages et il y a 300 photos qui sont donc reproduites dans ce livre, photos, programmes, affiches. Alors on indiquera sur le site des Nuits de France Culture comment se procurer cet ouvrage. Ça doit être assez facile quand même. Oui, il suffit donc de me contacter via le site. Voilà. Et si vous trouvez un amoureux fou de Françoise Rosay qui a l'air encore plus passionné que vous, ça vous fait plaisir ou ça vous irrite? Alors, j'aime donc lorsque les gens donc me disent qu'ils apprécient Françoise Rosay. Après, je suis pas encore tombé sur quelqu'un qui a le même niveau de passion et d'intérêt pour Françoise Rosay. Mais ce que j'aime aussi, vous savez, lorsqu'on travaille comme ça sur une actrice en particulier, surtout une actrice qui n'est pas quelqu'un qui a été mis en lumière par de nombreux ouvrages précédemment publiés, c'est vraiment ce travail de recherche et ce travail de puzzle un petit peu. Puisqu'au fur et à mesure, on reconstruit sa vie, on reconstruit qu'est-ce qu'elle faisait à cette époque-là, à ce moment-là. Et ça, je veux dire que ça me passionne. Le côté recherche me passionne. Et pour ce livre, j'ai passé beaucoup d'heures en bibliothèque. Et c'est vrai que ça fait partie des choses que j'aime aussi. Mais voilà, ce personnage est vraiment très riche, très intéressant, et ce qui explique aussi que ça va faire maintenant 30 ans que je suis un peu centré. Alors, je voulais quand même dire qu'en ce moment, je m'intéresse aussi à son mari, Jacques Feder, qui est donc metteur en scène. L'année dernière, c'était le 70e anniversaire de son décès, et je travaille sur un ouvrage qui est un petit peu non pas la suite, mais qui est donc une conséquence logique de ce livre sur Françoise Rosé. Donc je travaille sur un livre consacré à Jacques Feder, le metteur en scène et le mari de Françoise Rosé. Alors donc vous viendrez, Didier Griselin, nous parler dans une nuit des metteurs en scène français des années 30. Lui, il a une partie de sa carrière, Jacques Feder, qui est plutôt donc au temps du muet dans les années 20. Il a commencé dans les années 10, années 20, puis il y a eu quelques films dans les années 30 et il est décédé en 48, donc relativement tôt. D'ici là, on lit votre livre, Françoise Rosay, une grande dame du cinéma français, Didier Griselin. Merci à vous. Merci à vous. Et la nuit des actrices du cinéma français 1929-1944 se poursuit. Elle va se poursuivre avec Edwige Feuillère, Pauline Carton, Maria Cazares et Blanchette Brunois.